Bonjour, vous êtes bien en communication avec l'ambassade de France. Si vous souhaitez obtenir le consulat général de France, tapez 1. Si vous souhaitez obtenir l'Institut français, tapez 2. Si vous souhaitez contacter le poste de sécurité, tapez 3.